chanson qui revient quelquefois. Qu'un sourire en souvenir d'un garçon d'autrefois. Quand mes jours sont gris, qu'il neige sur ma vie, il ne revient dans ma mémoire. Au lycée français, un soir il m'attendait, il souriait Nicolas. C'était pour toi.